Alors là, il est 5h du matin, on est sur le parking de la gare de Sotteville. Y a du monde. Il y a beaucoup de monde pour un 5h du mat dans cette toute petite gare. Et par exemple, madame, bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est quoi ? Nicole. Bonjour Nicole. Et qu'est-ce que vous faites ici à 5h du matin ? Vous allez prendre le train ? Non, je ne vais pas prendre le train. Je viens soutenir le mouvement contre les retraites, la réforme des retraites. Et là, ici, le rendez-vous, il est donné, il est appelé par l'Interpro, en fait. Interpro. Voilà, pour soutenir les cheminots et les cheminotes qui sont en lutte. Tous les citoyens. Voilà. Et donc, c'est un rendez-vous mystérieux. On sait qu'on va agir sur la zone industrielle de Rouen, de Sotteville-lès-Rouen. On n'en sait pas beaucoup plus. Moi non plus. Et j'attends. Vous êtes, vous avez travaillé sur le rail ou... Pas du tout. Moi, je suis en retraite et j'ai travaillé pendant 42 ans. Donc maintenant, je profite de ma retraite et j'espère que tout le monde pourra profiter de sa retraite. Vous venez solidairement avec... Très solidaire. Ouais. C'est très important. Après le travail, il faut profiter de sa retraite. Et le système de retraite actuel, il n'est pas mauvais, c'est une solidaire, c'est une retraite par répartition, et il faut la garder. C'est très, très important. Après, les retraites complémentaires, se faire un petit pécule en complément de sa retraite, c'est autre chose. Mais dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc une retraite à point, c'est très, très mauvais. Voilà. Parce que là, l'idée de retraite universelle, ça venait au départ des acquis après la Deuxième Guerre mondiale, tout le Conseil national de la Résistance. Oui. Et c'est ça que Macron est en train de démanteler. De détruire. Pièce par pièce. De détruire. Voilà. Et donc les fameux statuts de privilégiés, avec des guillemets, en fait, c'est ceux-là qui représentent, qui se rapprochent le plus de ce premier idéal du CNR. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez des retraites privilégiées. Ouais, non, mais c'est avec des guillemets, c'est pour dire les termes médiatiques, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des paroles médiatiques. Je pense que des gens se sont battus dans chaque secteur professionnel, qu'ils ont obtenu des acquis, que des gens sont morts pour avoir des acquis, pour le bien-être, pour le bien-vivre. Donc il ne faut pas détruire ça. Après, qu'on améliore cette retraite par répartition, ok, mais qu'on ne la détruise pas. Il vaut mieux relever que de baisser, ça c'est sûr. Mais pas de faire une retraite par point. De toute façon, c'est reconnu dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont mis en place la retraite par points. Et au bout de 20 ans, je prends l'exemple de la Suède, c'est une catastrophe pour les retraités. Il y a une pauvreté qui s'est développée. Donc il faut penser à notre jeunesse, il faut penser à tous les travailleurs, quels qu'ils soient. Et il faut arriver à garder ce régime de retraite. Ben on est là pour ça ce matin. Et oui, et c'est pour ça que je suis là ce matin. Merci. De rien. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Ça va. Vous êtes de tous les blocages ? Ah oui, plus que jamais. Hein. Ouais. Ça m'a redonné une piqûre là. Est-ce que je suis agressé jeudi ? De vous être pris quelques coups de matraque, ouais, voilà, ça donc vous ça donne m'a... envie de, ah oui, ça m'a... de lutter encore plus. Plus que jamais, oui. Ouais. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Hein. Bonjour. Toi, tu es soignant à l'hôpital du Rouvray. Oui. Et tu es ici, là, devant la gare de Sotteville, au petit matin. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ? Je viens soutenir les mouvements de manifestation de blocage contre la réforme des retraites, parce que cette réforme-là, c'est à nouveau un recul social et c'est juste inacceptable. Et quand on voit qu'il y a des collègues qui se battent depuis un mois et demi, je pense que c'est important de venir grossir les rangs, voilà, tout simplement. Parce que les chemieux, ils ont complètement arrêté le travail, ils peuvent faire des actions de blocage de cette manière-là. Dans d'autres secteurs, ça se passe différemment, mais ici, c'est dans le dur, quoi. C'est ça, exactement. C'est que dans le monde hospitalier, faire des blocages, c'est pas possible. Et que c'est apparemment la seule forme de contestation que le gouvernement comprend. Donc quand on peut s'associer à ce type d'action de blocage, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Moi, j'invite tous les collègues hospitaliers à faire de même. tu veux dire ton prénom ? Oui, je m'appelle Jean Hivermand et je suis infirmier et je suis aussi délégué CFDT à l'hôpital du Rouvray. Merci. Mais c'est tôt, il est tôt quand même. Du coup, voilà, ce matin l'idée c'était un peu de, en étant modeste, hein, parce que c'est compliqué de bloquer tout Rouen, c'est pas la même configuration que Le Havre, donc l'idée c'était de bloquer toute la zone Saint-Étienne-Rouvray, cette ville avec au début 4 points, ce qui nous semble raisonnable pour commencer pour les questions de sécurité, hein, de voir ce qu'on va récupérer, palettes et autres, c'est de commencer par la CARSAT. Voilà, c'est 2 fois 2 voies, c'est déjà pas mal. Et quand on sera bien installé en sécurité à la CARSAT, éventuellement à partir de la CARSAT, de faire un deuxième point à la Matmut. Donc ce qu'on propose, c'est de prendre les bagnoles au covoiturage, etc. Et de se retrouver CARSAT. Voilà, on se retrouve là sur les bords, sur les trottoirs. Et dès qu'on donne le signal, on se répartit. Hein, on stoppe un feu, puis après on s'organise. Je sais pas là s'il y a des camarades qui ont déjà récupéré palettes ou autres, sinon il va falloir qu'on fasse aussi un petit groupe logistique là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des palettes, des trucs ou pas, non ? Non, il y a un peu. Normalement dans la zone il y en a partout. Hein. Faut juste des voitures. Ça va ? On y va ? Let's go ! Le port de Rouen, il est bloqué là aujourd'hui ? Ouais. Donc mardi, dans cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. Ok. Les ports du Havre aussi. Ouais. Et ils occupent la capitainerie comme la semaine dernière ou pas ? Ouais. Okay. La nuit, je suis pas sûr là. Mais ils ont. Hier, on y était, ils ont carrément. Il y a une partie, ils ont carrément cloué des trucs pour que les administratifs puissent pas rentrer et tout ça. Quoi. C'est une méthode. Voilà. Ok. Et il y a des rendez-vous cette semaine au port justement pour là pendant les dépôts. Alors demain ils sont parce que demain on se pose. Cette action-là en fait on l'avait programmée avant de savoir ce qu'ils faisaient eux cette semaine en fait. C'est pour ça que du coup c'est chiant quoi. C'est un peu compliqué de se d'arriver à faire un programme de lutte une semaine à l'avance, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont sur le port, nous on est là. Et demain matin, pour ceux qui veulent, ils font un truc à Moulineaux, c'est où c'est, non ? Non. Derrière Grand Couronne, là-bas. D'accord. Parce que là, c'est pareil. Alors, le nom d'une boîte, je ne me rappelle plus la boîte, je peux retrouver. Voilà, il y a selon. Il n'y a pas toujours beaucoup de dockers dans les boîtes pour les opérations de chargement-déchargement. Des fois, ils essayent de décharger sans les dockers. Donc, tu vois, essaye de répartir les points de blocage, je fais des coups de main là où c'est plus compliqué. Bonjour. Voilà. Ça va ? Ça va, Edouard ? C'est la pointe. Hier, la limite aussi, elle est... C'est violent. Je vais... J'ai vu quelques barrières de chantier, là, à 20 mètres. Donc là, on est arrivé sous le pont, sous un des ponts du boulevard industriel, à Sotteville, qui fait... toute la desserte de la zone industrielle avec des camions et tout ça. Et donc on va chercher de quoi eh bien, faire le barrage. On va faire de la récup. Je vais faire un tour par là, voir si on trouve autre chose. Une barrière.